cette ville, tu es déjà venu. Fanny, Fanny, compris ce soir que ton passé est bien mort. Oh Fanny, Fanny.